Le courrier d'Asuncion marche bien, dit Rivière. Nous l'aurons vers 2 heures. Nous prévoyons par contre un retard important du courrier de Patagonie qui paraît en difficulté. Bien, monsieur Rivière. Il est possible que nous ne l'attendions pas pour faire décoller l'avion d'Europe. Dès l'arrivée d'Asuncion, vous nous demanderez des instructions. Tenez-vous prêt. Rivière sonna. Bahia Blanca ne nous communique toujours rien par TSF ? Non. Appelez-moi l'escale au téléphone. 5 minutes plus tard, il s'informait. Pourquoi ? Ne nous passez-vous rien ? Nous n'entendons pas le courrier. Il se tait. Nous ne savons pas. Trop d'orage. Même s'il manipulait, nous n'entendrions pas. Trélève entend-il ? Nous n'entendons pas, Trélève. Téléphonez. Nous avons essayé. La ligne est coupée. Quel temps chez vous ? Menaçant. Des éclairs. À l'ouest et au sud. Très lourd. Du vent ? Faible encore. Mais pour 10 minutes. Les éclairs se rapprochent vite. Un silence. Bahia Blanca, vous écoutez ? Bon, rappelez-nous dans 10 minutes. Et Rivière feuilleta les télégrammes des escales sud. Toutes signalaient le même silence de l'avion. Quelques-unes ne répondaient plus à Buenos Aires, et sur la carte s'agrandissait la tâche des provinces muettes. Les secrétaires, convoqués pour 1 heure du matin, avaient regagné leur bureau. Ils apprenaient là, mystérieusement, que peut-être on suspendrait les vols de nuit, et que le courrier d'Europe, lui-même, ne décollerait plus qu'au jour. Il parlait à voix basse de Fabien, du cyclone, de Rivière surtout. Il le devinait, là, tout proche, écrasé peu à peu par ce démenti naturel. Mais toutes les voix s'éteignirent. Rivière, à sa porte, venait d'apparaître. Il fit un pas tranquille vers le chef du bureau. « Il est 1h10. Les papiers du courrier d'Europe sont-ils en règle ?»« J'ai cru. »« Vous n'avez pas à croire, mais à exécuter. »